Le pire, c'est que je n'ai pas d'argent et que je n'ai aucune chance d'en gagner. C'est la seule chose dont je suis sûr. Je ne sais pas comment faire pour me procurer l'argent dont j'ai besoin. Quand je pense que le garçon dont la chambre est voisine de la mienne est venu hier frapper à ma porte pour m'emprunter de l'argent, je te le rendrai quand mes parents m'auront donné l'argent de poche qu'ils me doivent, m'a-t-il dit. Moi, mes parents ne me donnent pas d'argent de poche régulièrement. Quand ils y pensent, ils me disent « Tu n'as pas besoin d'argent ». Quand je réponds « Si », ils ont l'air surpris et ils me disent « Mais nous t'avons donné 10 francs hier ». Pas hier, avant-hier. Comme le temps passe, répondent-ils alors. Vite, vite, nous sommes en retard. Et ils se sauvent, sans me donner mon argent de poche, naturellement.